Bonjour à tous, très chers auditeurs, en direct de Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. D'un point de vue scientifique, il correspond à la nuit la plus longue de l'année, qui se produit chaque année vers la fin du mois de décembre. Il est dû au soleil qui change de position et atteint son extrême méridional par rapport à la Terre. Mais au-delà de l'aspect astronomique, le solstice d'hiver peut également avoir une signification spirituelle. Alors que les arbres ont perdu leurs dernières feuilles, une plante sacrée renaît parmi cette nature qui a pris l'apparence de la mort. C'est le gui. Celui-ci est cueilli car il est associé au renouveau, à la survie de l'âme et il incarne la preuve de la vie après la mort. Le gui est le symbole par excellence du solstice d'hiver et de tout ce qu'il implique. Car après la nuit la plus longue, provoquée par le solstice d'hiver, les jours se mettent à durer de plus en plus longtemps et prennent enfin le dessus sur l'obscurité. Le solstice d'hiver permet la renaissance après la mort, l'abondance après une période de disette. La terre a vaincu et est prête à accueillir avec la lumière le printemps qui redonnera à la nature toute sa splendeur. Comment bénéficier des énergies du solstice d'hiver ? D'un point de vue spirituel, les saisons ont toujours été une grande source d'inspiration pour l'homme. Influencées par les changements des astres, elles sont en perpétuel mouvement et ne connaissent que l'évolution. Elles sont ainsi porteuses d'une importance énergie qui peut avoir une grande influence sur chacun d'entre nous, si on prend le temps de la comprendre. Alors que le solstice d'hiver marque la période pendant laquelle la nature est entièrement dépouillée, la Terre, dans son état de vulnérabilité extrême, dégage une force qui lui permettra de trouver la lumière pour remplacer les ténèbres. En d'autres termes, lors de la nuit la plus longue, la Terre trouve la lumière intérieure pour remplacer celle extérieure qui n'est plus. L'homme peut en tirer une belle leçon d'humilité et de reconnaissance, et de réaliser que lui seul est parfois capable de se tirer d'une situation difficile. Le solstice d'hiver prend également une autre symbolique. Il pousse à se débarrasser des choses matérielles, car elles sont superflues et font obstacle à notre lumière intérieure. Je suis depuis toujours en admiration pour les traditions anciennes et les peuples des temps reculés, notamment les païens, pour qui le solstice d'hiver correspond à Yule. Le nom de Yule vient de l'anglo-saxon Yula, qui signifie roux. Ils célébraient cet événement juste avant l'aube, puis regardaient le soleil se lever comme pour couronner leurs efforts, puisque le dieu correspond au soleil. Yule souligne le moment de l'année où le soleil renaît aussi. Par conséquent, il est d'usage d'allumer des feux ou des chandelles pour accueillir le retour de la lumière solaire. Plongée dans le sommeil pendant l'hiver de l'enfantement, la déesse récupère doucement après l'accouchement. Yule constitue un vestige des rituels primitifs célébrés pour fêter la fin de l'hiver et la fécondité du printemps, où la nourriture devenait de nouveau facilement disponible. Les traditions et activités de Yule sont chanter en famille et dans les rues, amasser des aliments non périssables, miel, noix, fruits secs, et les offrir aux plus démunis. Se réunir en famille pour célébrer la chaleur et l'amour du partage. Offrir un cadeau fait de ses mains. Commencer un journal intime de développement personnel. Comme vous avez pu le remarquer, à notre époque, Yule correspond à Noël. Ainsi, il est de coutume d'allumer des flambeaux et des chandelles, de grands feux de joie à l'aube, destinés à faire fuir l'obscurité et revenir la lumière. Autrefois, on allumait de grands brasiers. Mais maintenant, qu'il est plus difficile de le faire, la tradition veut que l'on fasse brûler pendant 12 heures la bûche de Yule. Faite de chêne ou de pin, tout en l'ayant préalablement décorée et arrosée d'huile dans notre cheminée. Il est dit qu'elle portera chance au cours de l'année à venir. C'est d'ailleurs de cette bûche que découle l'habituelle bûche glacée de Noël, présente au dessert dans la majorité des foyers. Je vous souhaite donc à tous un agréable Yule en famille. Je vous retrouve lundi soir dans la bulle de l'IA spéciale Noël. Très belle journée et à vendredi prochain à 8h et à 13h30.